Chapitre 8e. Les quelques louis de la baronne de Saint-Hubert ne restèrent pas longtemps dans le porte-monnaie en castor. Les premiers qui en sortirent servirent à payer une demi-douzaine de chemises dont M. de Mussidan avait le plus grand besoin. N'était-il pas triste qu'un homme bâti comme lui, avec un torse qui eût fait l'admiration d'un statuaire, en fût réduit à tenir toujours sa redingote boutonnée, sans pouvoir jamais montrer le plastron de sa chemise en développant sa poitrine? C'était pour que cette humiliation cessât qu'il avait décidé cette acquisition. Et c'était pour que les chemises fussent dignes du torse admirable sur lequel elles devaient bomber, qu'il les avait prises en toile de Hollande. Ce n'était vraiment pas sa faute, s'il était condamné par la nature à ne porter que de belles choses. Ne serait-ce pas se montrer ingrat envers la Providence que de ne pas décorer comme il convenait un de ses ouvrages les mieux réussis? C'était encore en obéissant à une pensée de gratitude envers la Providence qu'il s'était acheté d'élégantes bottines chez le meilleur cordonnier de Paris. Ne serait-ce pas un péché de laisser des pieds comme les siens, des pieds fins et cambrés, des pieds de race, se déformer dans des chaussures rabâchies? C'est dans les œuvres les plus parfaites de la création qu'on apprend à révérer leur auteur. Les chemises et les bottines payées, car depuis longtemps il n'achetait plus rien à crédit, il lui restait 2 louis. Alors, la première pensée qui lui vint naturellement, spontanément, comme tout ce qui nous est inspiré par un élan de cœur, fut qu'il devait les employer à faire un cadeau à cette petite qu'il avait secourue. Elle avait été vraiment très bien pour lui, pleine d'attention, de délicatesse, de discrétion. Et il était ainsi fait qu'on ne lui avait jamais rendu service sans qu'il s'en montrât reconnaissant et sans qu'il tînt à affirmer hautement, à prouver sa reconnaissance. Sans doute, cela lui avait plus d'une fois coûté cher. Mais quoi, il était ainsi. On ne reforme pas plus son cœur que sa jambe ou son torse. Il était ainsi. Ni l'âge, ni l'expérience ne le changeraient. Il restait 2 louis, toute sa fortune, il serait pour elle. Certainement, comme disent les gens d'une classe inférieure, il ne s'en faisait pas à croire. Et si quelqu'un se rendait justice, c'était lui. Si quelqu'un se voyait avec ses défauts et ses travers, c'était lui. Oui, il avait des travers, oui, il avait des défauts. Il n'avait pas besoin qu'on les lui signalât. Il était le premier à les voir et à les reconnaître. Il avait coûté assez cher pour cela. Mais il avait aussi des qualités, et sérieuses et solides, qu'il voyait et qu'il connaissait tout aussi bien. Il n'était pas assez enfant pour les énumérer, dans le seul but de s'en vanter. Aussi était, sans le moindre mouvement d'orgueil, qu'il se disait qu'il était bon et généreux. Cette petite avait fait quelque chose pour lui. Son cœur exigeait qu'il fît quelque chose pour elle. Un autre, à sa place, penserait à garder ces 2 louis qui lui étaient tombés du ciel, ou, poussé par le besoin, ne songerait qu'à les employer à son usage personnel. Mais pour lui, Dieu merci, il était au-dessus de ses bas calculs. Son cadeau fait, il n'aurait plus le sou. Eh bien, après, ce ne serait pas la première fois que cela lui arriverait. Et puis, la satisfaction de s'être montré généreux, de s'être fait juger par cette pauvre fille ce qu'il était vraiment, ne valait-elle pas quelques pièces de monnaie dans sa poche et même quelques louis? Mais quel cadeau pouvait-il bien lui faire? Cela méritait d'être examiné et pesé. Il avait été un temps heureux où il était permis de donner pour le plaisir de donner, en se disant que si le cadeau qu'il offrait ne plaisait pas, il en ferait un autre. Mais alors il était riche. L'argent glissait entre ses doigts. Maintenant, il avait 2 louis. Il fallait qu'il ne se trompât point. Que pourrait lui être agréable à cette petite? Pour résoudre cette question, il faudrait qu'il connût mieux qu'il ne les connaissait, ses goûts, ses idées, ses besoins, et aussi qu'il sût mieux qu'il ne le savait ce qu'elle avait et ce qui lui manquait. Cependant, tel qu'il l'avait vue, il était bien certain que c'était une personne de goût simple. Elle ne serait pas sensible à une chose de toilette. Elle ne le serait pas davantage à du brillant et du clinquant. Elle était sérieuse. Et puis, ce qui était caractéristique, et dans l'espèce plus important, elle aussi, elle avait de la bonté, de la générosité. Sans doute, c'était une bonté et une générosité instinctive qui ne ressemblaient pas au sentiment qui était en lui. Cependant, il devait compter avec. Dans ces conditions, il semblait donc qu'il fallait lui faire un plaisir qu'elle pût partager. Il serait plus doux, plus complet pour elle. Si elle voulait le partager avec quelqu'un, évidemment, ce serait avec lui. Alors il se trouvait ainsi obligé à consulter son propre goût et se demander ce qui en ce moment pouvait lui faire plaisir. C'était la logique qui le voulait. Or, après les privations qu'il avait supportées depuis plusieurs mois, d'autre part, en pensant à la saison où ils étaient, il se trouvait que ce qui en ce moment pouvait lui faire le plus grand plaisir, ce serait un bon pâté de foie gras. Jamais il n'avait laissé passer la fin de décembre ou le commencement de janvier sans manger un bon pâté arrivant de Strasbourg, dans toute sa fraîcheur, au moment où il a toute sa saveur. Assurément, cette petite serait sensible à un pareil cadeau, il la toucherait. Il n'était pas homme à balancer une résolution. Lorsqu'il en avait arrêté une, il l'exécutait aussitôt. Ce fut tout superbe et triomphant, en se redressant, la tête haute, qu'il entra chez Chevet, où il n'avait pas pu se montrer depuis longtemps et que de sa voix sonore, il demanda si on avait un bon pâté à lui donner. « En voici un, monsieur le comte. » Que ce titre, qu'il n'entendait maintenant que bien rarement, fut agréable à son oreille. « Où faut-il l'envoyer, à monsieur le comte ?»« Merci, j'ai ma voiture, je l'emporte. » Il n'avait pas sa voiture, mais avec la monnaie qu'on lui rendait, il pouvait en prendre une, ce qu'il fit pour n'être pas reconnu dans les rues de Paris, un paquet à la main. Il ne fut pas moins superbe en entrant dans la chambre d'Angélique, son pâté sous le bras gauche. Une satisfaction orgueilleuse éclairait si naïvement son visage, qu'en le voyant s'arrêter dans le cadre de la porte, Angélique, après l'avoir observé un court instant, s'écria. « Il vient de vous arriver quelque chose d'heureux, n'est-ce pas ? Oui, mon enfant. Le plus vif plaisir que puisse éprouver un galant homme. Quel bonheur ! Celui de faire plaisir !» Après avoir posé son pâté sur la table et s'être débarrassé de son pardessus, il s'assit carrément dans le fauteuil, sa place ordinaire, et étendit la main en avant comme pour commencer un discours. Mais à ce moment, Gros Milord, qui avait sauté sur la table, vint sentir le pâté. Il reçut aussitôt une petite tape qui le fit redescendre vivement. « Il faut être doux avec les bêtes, » dit M. de Mussidan, « mais enfin, pas jusqu'à s'en laisser importuner. » Puis il reprit son idée. « Mon enfant, vous m'avez rendu un grand service. Je ne veux pas vous le payer. Au contraire, je veux vous le devoir toujours. Mais je veux au moins vous montrer que j'en suis reconnaissant. Si des événements dont j'attends la réalisation s'étaient accomplis, rien ne m'eût été plus facile que de faire cette preuve noblement, d'une manière digne de vous et de moi. Mais les temps sont difficiles, et cette réalisation est encore retardée, pour peu de temps, j'espère. Enfin, elle l'est. Dans ces conditions, j'ai fait non ce que j'aurais voulu, mais ce que j'ai pu. Il fallait ne rien faire. Il le fallait pour moi. J'ai cherché ce qui pouvait vous être agréable, dans un cercle bien restreint, malheureusement. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va être bien contente si je lui apporte pour dîner un bon pâté de foie gras, un bon pâté de Strasbourg ? Comme je suis touché de votre intention, s'écria-t-elle avec une voix tremblante d'émotion. Et du pâté. Il faut en être heureuse aussi, du pâté. Oh, j'en suis heureuse, seulement je n'en ai jamais mangé. C'est bien ce que je pensais, s'écria-t-il en caressant ses longs favoris. Je me disais, sans moi, elle n'en aurait jamais mangé. Il pressa le dîner. Il avait hâte de se mettre à table et de faire les honneurs de son pâté. Lorsque vint le moment de l'entamer, il demanda un verre plein d'eau et une cuillère. « Voulez-vous du sucre ? » dit-elle. « Non, vous allez voir. » En effet, elle vit tremper la cuillère dans l'eau avant de l'enfoncer dans le pâté, et cela l'étonna beaucoup. Mais elle se garda bien de lâcher une nouvelle bêtise. Le sucre lui avait suffi. « Eh bien ? » demanda-t-il quand elle eut mangé la première bouchée. « C'est meilleur que des rillettes. » Il était trop galant homme pour laisser voir combien cette comparaison le suffoquait. « Des rillettes !»« Je n'en ai jamais mangé, » dit-elle avec dignité. Elle comprit qu'elle avait encore dit une bêtise.